Bonjour à tous et bienvenue dans J'irai diguer chez vous, présenté par Maxime Echen et Marvin Basileux. Aujourd'hui, nous allons continuer notre rencontre avec Arnaud, fondateur du sous-système Soul Heritage. C'est donc la deuxième partie de cette rencontre et on va parler reggae, de son amour pour le reggae et son amour pour les vinyles. Oh, nickel. C'est un beau zoom que vous avez là, c'est pas le même modèle que le mien. Oui, on a du bon matos hein, pour cette émission. Du coup, tu nous accueilles chez toi alors ? Ouais. Enfin, okay. c'est chez moi, plus côté musical, quoi. Ok. Je dors pas ici. Ouais, c'est là où tu entreposes ta collection, tout ton matos. Voilà, exactement. Ok. Il y a des mecs qui y vivent quand même. Hello. Hello. Il y a des gens qui y vivent du coup. Ouais, il y a Babel qui y vit. Ouais. Il y a Ouida, mon coloc, déjà militant. Ok. Qui a un Selecta aussi. Ouais, qui a un son système. Et puis j'ai une colocatrice, Déborah, peut-être tu la connais. Ah, peut-être deux mois. Vous êtes proprio là ? T'es parti là ? Ouais, mais bon, après. On est en chemin, c'est bien. De côté, hein. Non, on n'est pas proprio. Tiens, tu poses mon vélo là ? Derrière. Voilà, ça. Ouais, c'est bon, je pense. Yes. Ouais, moi je connais les gens qui habitent en face. Mais le contrôleur, on ne voit pas. On ne voit pas. Yes. Tactique. Ça fait longtemps que vous avez cette baraque ? Ça fait 6 ans. D'accord. Ouais, c'est cool. Et là, ils veulent essayer de me mettre dehors, mais je suis en train de me battre. Ah. Ouais, ça fait 6 ans que vous êtes là, alors ? Ouais. Ils sont de moi. C'est moi qui l'ai trouvé. Après, les autres, ils sont arrivés il y a un an ou deux. Ok. Avant, en fait, j'avais tout le haut de la maison, j'ai avec ma copine. Ok. J'ai commencé cette année. Du coup, t'as trouvé d'autres collègues. Voilà. Ah, bon, on rentre dans la maison, là, c'est agréable, disons. Welcome. Yes. Merci. Yes, on est dans la caverne, là. La caverne. Oh, oh Fada. Ah, bah voilà. Je crois qu'Arnaud, t'as plein de choses à nous expliquer, là. En 94-95, j'ai ma meilleure amie qui m'a amené pour la première fois à un concert reggae. Et c'était une bonne première fois parce que mon premier concert reggae, c'était Mystic Revelation of Rastafari. Ah, ok. Donc je me souviens qu'à l'époque, c'était à la salle des arts de Créteil. C'était dans une salle acoustique de jazz. Donc il n'y avait pas de, comment on appelle ça, de fosse. On était tous assis sur des fauteuils. Et je me souviens bien que c'était 30 francs l'entrée. Ça m'avait marqué. Donc 30 francs, et ils sont venus, et ils étaient un nombre incroyable. Ils étaient peut-être une vingtaine sur scène. Ils ont fait une première heure de show complètement Naya Bingi, roots acoustique. Et la deuxième avait un côté plus jazzy, avec des hands qui sont venus après, où ils ont joué plus les morceaux de Tell of Mozambique, leur deuxième album. Et du coup, là, tu viens de nous faire un truc, t'as sorti une vieille, comment on appelle ça, là ? Un attaché case, une vieille boîte à vinyle. Ouais, il y a quoi dedans ? Dans lequel je mets quelques albums qui sont très rares et qui ont l'importance pour moi. Ok. Donc là, j'en ai sorti un, donc justement, pour faire écouter Mystic Revelation of Rastafari, qui a été vraiment le groupe qui m'a fait connecter avec la spiritualité Rasta et le reggae. Bah pour faire une petite description, c'est une belle pochette qui s'ouvre en trois. Mm-hmm. J'ai rarement vu ça. Avec une ouverture tout le long en haut. Voilà, et dedans, en fait, il y a un petit livret. Avec donc les poèmes, parce qu'il y a un poète dans le groupe. Donc il y a les poèmes qui sont restés dans le groupe. Et aussi des photos du groupe. Et, ok. Voilà. Ah ouais, tout un bouquin avec toutes les chansons, les paroles. Exactement. Yes. Et. Ouais, parce qu'il y a toute une démarche aussi derrière ce groupe. C'est vraiment le fondateur. Voilà, le Naya Bingi, c'est la musique pratiquée en Jamaïque par les Rasta, et on appelle ça le Earth Beat. Donc c'est un tempo qui reprend les rythmes du cœur. Ouais. Et c'est une musique de méditation et de transe. Et pendant donc, ce qu'on appelle les Grand Nations, les rassemblements Rasta, donc ils chantent des louanges à Jah et ils bonnent Babylone. C'est comme ça. Donc, je vais essayer de vous trouver un morceau en particulier. Ça, c'est un disque que tu as chopé en quelle année ? Alors celui-là, je l'écoutais tôt, mais j'avais la represse. Et j'ai réussi à trouver le pressage original en Angleterre. Je suis parti en fait vivre en Angleterre en 2000-2001. C'est là où j'ai beaucoup digué aussi. Et je suis rentré dans une boutique et il était sous un cadre, derrière le vendeur, comme sa pièce comme son trophée. Et je lui dis, il est pas à vendre celui-là derrière toi ? Non, il est pas à vendre. Et je suis venu tous les jours pendant 6 mois jusqu'au jour où il me l'a vendu. Voilà. Tous les jours, tu posais la question ? Ouais. T'as réussi à faire baisser le prix ? Non, le prix, c'était pas vraiment ça. C'était plus l'objet en lui-même. Bon, je crois que c'est presque un des 10, je pense, que j'ai payé le plus cher de ma collection. C'est un disque que j'ai dû payer 100 euros. Alors qu'il y a des disques qui sont par beaucoup plus cher que ça. Et. Nation. C'est l'album, on n'a pas dit le titre, c'est Gond Nation. Grandation. Oh, ok, c'est leur premier. The Mystic Revelation of Rastafari. C'est leur premier album ? Je crois bien. 73. Il y a eu Tale of the Mozambique qui est arrivé après, mais qui est plus jazzy. Ah ouais, donc en rapport avec ton premier concert du coup. Voilà, ouais. Ouais, merci. Alors, yes. Thank you. De là, en fait, j'ai très vite enchaîné sur les sons de système. Pareil, 94-95, j'avais la chance d'habiter dans le 13e arrondissement de Paris, où le mouvement son de système reggae a vraiment émergé dans les années 90. Donc les soirées se trouvaient tous autour de chez moi, en fait. T'as dû connaître Daddy Yod, J'ai vu tous ces Tonton gens-là, David. Tonton David. J'ai été donc dans. C'était à l'époque, c'était donc il y avait les péniches. Il y avait l'espace Masséna, il y avait la taverne, non, pas la taverne, j'allais dire la taverne du perroquet, l'espace des peupliers, où j'ai vu pour la première fois Jachaka en 99 avec sa sono, une des seules apparitions de Chaka avec sa sono en En France, quelle année? en 99. D'accord. Donc là, on arrive un peu plus tard. Et donc en 95, j'ai déjà un petit stock de disques et tout ça. Et puis je suis avec un pote passionné de vinyle. Et puis c'est mon anniversaire. Et il y a un squat africain dans le 13e où il se passe pas mal de soirées. Et puis je vais là-bas pour leur demander si il serait possible éventuellement d'organiser une soirée pour mon anniversaire et de leur louer la salle. Et donc j'arrive à obtenir la salle et j'organise une soirée. Et là, j'ai tous mes amis qui arrivent, presque 200 personnes pour mon anniversaire. Et on a fait une super soirée dans le squat. Et en fait, à la fin de la soirée, le propriétaire du squat me dit, écoute, j'aimerais que tu organises des soirées dans mon lieu. Parce que j'ai jamais eu autant de monde et j'ai jamais eu une aussi bonne vibe. Et puis le public que tu amènes, il est vraiment bien, il est vraiment souriant, etc. Et donc, il m'a dit, tu veux pas organiser des soirées dans mon lieu? Et là, j'étais un peu pris de court parce que moi, je n'étais pas promoteur, je n'étais pas DJ, j'étais rien du tout, j'étais juste amoureux de la musique. Et donc, ouais, voilà, en 80. C'est, je crois, première soirée dans un squat qui s'appelle le Baobab, dans le 13e, sous le nom de Root Spirit. J'ai justement retrouvé les flyers. Ouais. Donc, comme on peut le voir, donc tous les mardis et jeudis, de 20h à 2h, paf plus conso, 20 francs. Voilà. Le fly en noir et blanc. C'est toi qui as fait le fly? C'était un ami à moi qui l'avait dessiné. Excellent, ouais. Et donc voilà, c'est les débuts pour moi derrière les platines. Et on a commencé à organiser des soirées là-bas. Pendant peut-être 2 ans, on a fait des soirées là-bas, mais c'était très très dur. Parce que c'était un peu dans le ghetto et il y avait pas mal de pression. Ouais, ça, à force de ramener du monde, tu ramènes. Non, je crois que deux petits blancs organisent des soirées dans un squat africain et que ça marche bien. Ça blessait pas forcément Ouais. au grand noir. Mais ça a été une bonne mise en jambe, mais pour nous, ça a été nos premiers pieds dans ce monde-là. Et donc, en 96-97, j'ai arrêté. J'ai pas rejoué en tant que DJ ou en tant que professionnellement jusqu'en 2000-2001. C'est attendre que tu descendes dans le sud ou tu... Non, en fait, ce qui s'est passé, c'est que j'ai pas eu d'opportunité. Mon collègue avec qui je faisais les soirées, il s'était lancé dans la photo. Il avait un peu laissé de côté la musique. Et donc, bon, ça m'a pas empêché de continuer à aller aux soirées, aux concerts et d'acheter des disques. Ok, ouais, de Voilà. collectionner toujours. Et donc, en 2000, je rencontre un son de système qui s'appelle Jawax Promotion à Paris. Ouais, Et donc, qui cherchait un sélecteur. Et donc, je m'allie avec eux et donc là, on va faire la route ensemble pendant presque 9 ans. ah ouais, Ouais. ah ouais. Donc, grosse partie de ta vie alors. voilà, donc c'est un son de système et qui était aux commandes par Rootsy Lyon, un activiste du reggae de l'époque. Et on a débuté avec moi et quelqu'un qui a percé maintenant, qui s'appelle Farist, un joueur de Melodica, qui est devenu un des meilleurs joueurs de Melodica de la scène française maintenant. L'Augusto Pablo français. Français, Voilà. je connais que ça. Moi. hein. Le Melodica, t'as pas tort, Max. C'est bon. Voilà, c'est bon, je me plante pas. Voilà. Et donc, en 2009, ça s'arrête, on se sépare. Et j'étais déjà arrivé dans le sud de la France. Ok. Je vais mettre un petit break dans ma carrière pendant plus de 4 ans parce que j'ai ouvert un restaurant à Montpellier. Eh oui. Voilà. Qui était rue derrière le Virgin, à côté du Virgin. Ouais, pas très loin. Ouais, Ouais. pas très loin. On en avait à la rue du Bras de Fer. Ça s'appelait comment ce restaurant? Ça s'appelait le Bar Now. Le Bar Bar Now. Now. Je m'en souviens. Ouais. Je faisais de la très bonne bouffe, hein, d'ailleurs. Pas Merci cher, beaucoup. très bon. Et donc, il y a 4 ans de ça, je revends mon resto et je décide de revenir à ma passion, la musique, et décider de mettre le boost et d'essayer une bonne fois pour toutes d'essayer d'en vivre. Et c'est là que tu as lancé Salomon et Eric. Voilà, donc j'avais un peu d'argent de côté et j'ai permis d'acheter la sono. La fameuse sono jaune. Elle n'est pas jaune, non, elle est plusieurs couleurs, rouge, jaune, vert et surtout noir. Et donc là, je me suis lancé, j'avais déjà fait de la production avec, avec Jaworks à l'époque, on avait un label qui s'appelait Root Spirit, que j'avais appelé du même nom que mon premier sound system, où on avait sorti quelques releases, notamment avec Murrayman, avec Tena Stelling et d'autres artistes. Et donc tout de suite, en fait, quand je reprends la musique, je me relance dans la production. Et je vais sortir un premier maxi avec un artiste qui faisait un peu son retour sur la scène à ce moment-là, qui s'appelait King General. Mmh. Et je décide de mettre un morceau d'un artiste qui s'appelle Unruly sur l'autre face, qui est un artiste qui n'était pas connu, qui n'avait jamais rien sorti à l'époque, mais qui avait un talent monstre. Et donc du coup, le maxi a fait sa route. A vraiment bien marché dès le début, et contrairement à ce que je pensais, plus pour la face de l'artiste inconnu que pour la face de l'artiste de la face connue. C'est des choses qui arrivent. Voilà. Et donc on peut commencer par écouter ça. Ah bah carrément. Ouais. Ça c'est quelle année alors ? Alors ça c'est le premier maxi, donc il date de 2010, je crois, que je regarde. C'est ta première prod alors du coup. Avec le label de Salomon Heritage. Ouais, voilà. Okay. Et bien ce monsieur, je l'ai rencontré à Birmingham. Parce que je ne travaille pas que dans mon studio, en fait. Je fais souvent les voicings dans mon studio et pas toujours les readings dans mon studio. Je les fais souvent dans d'autres studios pour aller chercher d'autres sonorités et travailler avec plusieurs artistes. Et donc j'ai enregistré celui-là à Mellow Vibes, le studio de Murrayman à Birmingham. Oh, ok. Qui est un grand producteur et chanteur de la scène reggae anglaise. Et ce morceau s'appelle Sick of This Pain. Et bon, c'est pour la petite histoire, il crie sa souffrance par rapport à ce système dans lequel il vit. Et on a enregistré le morceau. Et en fait, quelques semaines après, il s'est fait arrêter par la police et il a pris 8 ans de prison. Merde. Voilà, et il n'est toujours pas sorti. Donc okay. Il y a que moi qui ai un morceau de lui. Ok. Ouais, voilà. Donc on va l'entendre sa voix. Voilà, et c'est un morceau qui a très très bien marché sur le long terme. Et sur le nouvel album que je viens de sortir de Rastweed, il y a un vocal de Rastweed sur le même rythme qui a été retravaillé par JT de Keep Beer La Hamlak. Voilà. Donc là, ce morceau s'appelle Sick of This Pain, Unruly. Can you help me please? Babylon are bringing crack gun, HIVs, AIDs, and them STDs. Them dirty sexual, yo, transmitted disease, yo. Ah, me no want a gun for me, my brother freeze. We all human beings, so why they acting like they are machines? Yo, start living clean. Come here, go bring him a 45 Glock case. I've been for locked up on no scheme. Oh, help him please, don't you? Hear my freedom cry. Cause only Selassie I is the light of life. Oh, why? Sick of this pain, yeah. Sick of this pain and stifling my life, man. Sick of this pain. Babylon are bringing them guns and knives. Sick of this pain. And I pray, and I ask the last sea I offer, guide me every day. Come back, my lad, one cuff me up and lead me astray. But we have to make them know them can't touch me. cheese and marijuana. Me put it in a we yard and me put it on the corner. And Babylon now work with nothing farmer. Me sit all the boy them want start the drama. Yo, oh, sick of this thing, yeah. Sick of this thing, it's time in my life, man. Sick of this thing, Babylon a bringing them guns and knives. Sick of this thing, yo. Sick of this thing, it's time in my life, yeah. Sick of this thing, Babylon a bringing them guns and knives. Oh, Jah, can you help me? That Babylon a do so much wrong. Manipulate the youth them, we weaken them mind, they no one the youth strong. Yo, if you hear what I'm singing, can you hear me sing my song? I always make a right decision, never bow down to no religion. Gaga, yo, sick of this thing, yeah. Sick of this thing, it's time in my life, man. Sick of this thing. Can you help me, please? Babylon are bringing crack gun, HIVs, AIDs, and them STDs, them dirty sexual. Donc tu voulais enchaîner bah, sur, du coup, comment se fabrique un vinyle quoi d'aujourd'hui? Ouais, toi qui, toi finalement tu vas diguer, tu les fabriques même, tu sors même des produits en vinyle. Bah, en fait, quand je suis passé donc un an et demi en Angleterre, 2000-2001, j'ai eu la chance de rencontrer donc les distributeurs. Et puis aussi d'aller voir les presses en Angleterre. Okay. Et à travers ça, donc ça m'a permis d'avoir tous les contacts et de pouvoir venir en France pour pouvoir commencer à sortir des disques. Alors moi, j'ai travaillé avec un studio qui est très connu à Londres, qui s'appelle Music House. Très connu pour reggae ou... Pour le reggae, mais ils ont fait d'autres musiques. Okay. Voilà. Et ils ont 40 ans de carrière... 80% des masterings reggae anglais ils ont été faits là-bas. Et ils sont très professionnels et très talentueux. Et donc j'ai commencé à presser mes premiers disques là-bas. Et récemment, en fait, depuis le deuxième maxi que j'ai sorti sur Salomon Heritage, je suis après parti presser dans un endroit qui s'appelle MPO. Donc c'est en France. Et c'est devenu donc le leader du pressage vinyle dans le monde entier. Ok. Et comme on disait tout à l'heure, donc, les machines qui servent à presser les disques sont très rares. Elles ne se construisent plus. Donc c'est que les personnes qui en possèdent qui les maîtrisent. Et il n'y en a plus beaucoup. Il y en a un petit peu en Angleterre, un petit peu en Allemagne, un petit peu en France et un petit peu aux États-Unis. Ouais. En Espagne, non ? Et en Espagne, il y a des machines à faire des masters. Alors ça, c'est autre chose. C'est, on fait soit des masters ou ce qu'on appelle des acétates. C'est que c'est des plaques de métal sur lesquelles il y a une laque. Et on vient graver sur la laque la musique. Donc ça, ça sert à faire ce qu'on appelle le master, ce qui va permettre de faire le moule du disque et pouvoir après le presser en plusieurs exemplaires. Ou juste faire ce qu'on appelle un doublet acétate. Pour un son de système, ça lui permet en fait de pouvoir graver sur un disque un morceau à lui, qu'il est le seul à posséder, et en avoir une seule unité. Et ça s'use beaucoup plus vite. Et par contre, ça a la chance en fait d'avoir une dynamique beaucoup plus forte et bien meilleure que le vinyle. Ça a une dynamique extraordinaire. Le dubplate, quand voilà. Tu fais comme ça. Voilà. Donc je pense que pour illustrer ça, le mieux c'est que je vous joue un dubplate. Donc je vais déjà vous en montrer un parce que c'est un peu différent d'un vinyle. Ça montre. Tu veux dire dans l'aspect Voilà, c'est plus lourd et ça sent une odeur assez particulière. Mais on appelle quand même ça un vinyle. Non, on appelle ça un acétate. D'accord. Voilà. Je vais sur eBay, je tape acétate. Voilà. Trop. Voilà. On appelle ça un acétate. C'est quoi le format? Souvent, c'est en 10 inch. Ah, voilà. Mais il y en a des 45 et il y en a des 12 inch, ça se fait aussi. Donc, sentez l'odeur, là, vous allez voir, il y a une odeur particulière, en fait. Ah ouais. C'est dommage qu'au micro, on ne puisse pas sentir, mais... Vous voyez, ça sent un peu, je sais pas... Et donc, à l'époque, quand il y avait un hit qui sortait, s'il y avait un DJ ou un son de système qui voulait avoir un mix exclusif de ce morceau, il allait voir le producteur et il lui faisait un mix uniquement pour lui, qu'il était le seul à posséder à pouvoir jouer en soirée. Et ce mix, il allait se le faire graver en acétate. Voilà. Et donc, il y a plein de morceaux qui ont des mix exclusifs et il n'y a qu'une seule pièce dans le monde entier. Donc imaginez quand ça arrive sur eBay ou choses comme ça. Ça c'est ta caisse. Voilà, donc moi, dans ma caisse à dubplate, j'ai des morceaux qui pourraient dire m'appartiennent parce que c'est moi qui ai fait les mix exclusifs et c'est moi qui ai fait faire les mix exclusifs par les producteurs. Ou j'ai récupéré des mix exclusifs de l'époque de reggae jamaïcain. Des dubplates originaux de ces morceaux. Donc vous préférez écouter quoi? Alors on a le choix entre quoi et quoi? Bah, du mais Salomon Heritage ou de. ou un dubplate exclusif. Quoi, t'as un dubplate des 70s genre, t'as ça? Ouais, des dubplates ouais. Des 70s, ouais. Parce qu'à l'époque c'était ça la grosse concurrence. Je peux vous faire écouter un morceau de Burning Spear avec un mix exclusif. Si waouh! Voilà. Ah bah sors-nous les galettes. Je pense que ça va vous plaire. Ça va parler à tout le monde. C'est sur quel morceau du coup? Alors là c'est un morceau qui s'appelle... Oui, et après on voit que la tranche au milieu, il n'y a pas de... C'est tout noir. C'est lourd. Et c'est... le poids est beaucoup plus lourd. Voilà. Et ça c'est normalement limité à un certain nombre d'écoutes. Ouais. Hein ça s'autodiffuse. Plus on l'écoute, plus ça s'use. Voilà. D'accord. Donc en fait, on les garde, on les écoute pas à la maison en général, on les garde pour les soirées. Pour les écouter dans les soirées. Voilà. Mais là, on y a droit pour l'émission. Voilà, j'ai rédigé chez vous. Alors, faut que je crois que si je suis en 45. Donne pas tout. Voilà. Ouais, donc c'est des morceaux exclusifs, il faut que ça reste. Ah, tu gardes le mystère alors, tu nous coupes le donc morceau. Si vous voulez entendre plus de... Il veut que personne aille sur Audacity, mettre l'émission radio et le cut et balance après sur un blogspot. Si vous voulez entendre plus de ce morceau ou d'autres doublets exclusifs, il faut venir voir Salomon Heritage. Bim. Ça c'est dit. Et donc la prochaine date à Montpellier. Donc déjà, il y en a une à la Taverne du Perroquet cette semaine, mais je ne sais pas par rapport à la transmission de l'émission, mais on va dire celle du 15 novembre. Ouais, ça va être bon. Ça. Donc le 15 novembre, dans une nouvelle salle qui s'appelle le Dièse, il y a une association qui s'appelle Forward Ever, dont je fais partie, qui organise un événement qui s'appelle le Montpellier Dub Splash. Et donc on en est à la 8e ou la 9e édition. Et donc c'est trois activistes de la scène Sound System Montpellier-Rennes qui vont se rencontrer chacun avec leur sorte sono artisanale. Et donc il va y avoir Jam Militante, Chalwa Meditation et moi-même Salomon Heritage. Donc on vient tous les trois poser notre sono et jouer du vinyle toute la soirée, reggae, des morceaux exclusifs et d'autres morceaux. On pourra écouter Burning Spear en entier. On pourra écouter Burning Spear en entier. Et donc je voulais proposer... d'écouter un morceau de Bob Marley exclusif. Ah, parce qu'en fouillant, on a trouvé voilà. La pépite. Dans ce petite caisse sympathique. Voilà, donc c'est pareil, vous allez voir juste un avant-goût. C'est Bob Marley Get Up, Stand Up. Différentes mix. Ils chantent pas la même chose. Hein. Donc mix exclusif, parole exclusif. Émission exclusive. Voilà. Du coup là dans, on est toujours dans la pièce, dans l'antre. Tu nous sors une autre galette sortie des. Voilà, donc on va passer maintenant plus dans le côté de ma culture reggae. Et donc je suis obligé de vous jouer un de mes artistes favoris qui s'appelle Don Carlos. Et notamment ce morceau et ce maxi. que j'ai cherché pendant longtemps. J'ai réussi à trouver finalement avec un très beau macaron. Ouais, et bleu. Et bleu en plus. Transparent bleu. Voilà. Donc c'est un morceau qui s'appelle I Love Ja sur le label Negus Roots. Gros label ça, Negus Roots, non ? Voilà, c'est un label où énormément des morceaux ont été produits et arrangés par Don Carlos. Mais en fait, personne ne le sait parce que toute cette musique a été volée par le producteur, donc je crois que c'est Michael Palmer, il me semble. Le gars de Negus Roots, le producteur de Negus Roots, en fait, a récupéré toutes les bandes de Don Carlos, donc c'était ses productions, ouais. Et a été les sortir en Angleterre sans rien lui dire. Donc à l'époque, donc, moi j'ai su tout ça parce que j'ai eu la chance de rencontrer Don Carlos à Paris en 2004-2005. C'était une aventure assez incroyable où je savais qu'il était là parce qu'il avait fait un concert et j'ai réussi à savoir dans quel hôtel il était. Donc j'ai appelé l'hôtel et j'ai dit bonjour, est-ce que je pourrais avoir la chambre de Don Carlos? Et on me l'a passé. Et donc voilà, je lui ai dit écoute, je suis fan de ta musique, j'aimerais bien rencontrer, est-ce que tu crois que je peux venir à l'hôtel? Donc j'étais là-bas et puis je l'ai récupéré à l'hôtel et je l'ai emmené jusqu'à chez moi. Et là... on a mangé, on a écouté de la musique et j'ai pu partager, lui poser plein de questions sur sa musique et sa carrière. Et donc il m'a expliqué donc, ce travail qu'il avait fait pour Negus Roots. Et à l'époque, donc, il a produit et arrangé les deux premiers albums de Lasley Castle. Ouais. Et le premier album d'un groupe qui s'appelle Voice of Progress, qui est le premier groupe de Junior Reed, avant qu'il fasse une carrière solo. Et ses deux albums à lui, Harvest Time et j'ai oublié le nom du deuxième. Bref, deux albums de Don Carlos, deux albums de Lasley Castle et un album de Voice of Progress. Il avait tout produit, arrangé, fait les harmonies, voire écrit les paroles des artistes. Et ces disques qui sont sortis en Angleterre sous le label Negus Roots. Voilà. Donc, quand il est venu chez moi, il avait tous ses disques... Et il a limite versé une larme parce que c'est là qu'il a appris en fait. Non, il savait que c'était sorti, mais ça lui a fait quand même quelque chose de revoir encore que ben, il y a des gens qui écoutent cette musique. Ouais, qui sont devenus fans sans que jamais. Sans que lui, il en sache un mot quoi. C'est un mec qui a quel âge enfin, quand tu l'as rencontré, c'était un daron quoi. Ah bah oui. Là, la carrière de Don Carlos, c'est entre 70 et 85, les grandes années quoi, on va dire. Ouais. Et ça, c'est un truc, cette histoire-là, c'est quelque chose de très récurrent voilà, à l'époque ouais. En Jamaïque, pour les chanteurs. Ce qui se passait, c'est que les producteurs jamaïcains donnaient une opportunité à ces chanteurs qui étaient n'importe qui, des anonymes. Parce qu'il faut savoir qu'en Jamaïque, comme à Cuba, je dirais, parce qu'il n'y en a pas beaucoup d'autres, la Jamaïque, la musique, c'était au centre même des intérêts de tout le monde. Que ce soit les jeunes, en passant par toutes les générations. Donc dans les années 70, la Jamaïque, c'est l'endroit dans le monde où il y a le plus de studios par rapport au nombre d'habitants. Il faut savoir que je crois qu'il y avait 4000 morceaux qui sortaient de Jamaïque tous les jours dans les années 70. Fou, 4000 quoi. Singles. Ouais. Et ces singles, donc, diffusés dans le monde entier, ils ont vraiment créé quelque chose. Tous ces singles qui sont sortis, y en a qui ont cartonné en Angleterre, il y en a qui ont cartonné en France, il y en a qui ont cartonné. Alors bon, les producteurs ne disaient pas toujours à l'artiste comment ouais, se passaient les ventes. Voilà. Je te dois tant. Voilà. Donc, il y a eu ça. Il y a eu aussi que les producteurs, en fait, la musique, elle a eu le temps de voyager. Donc, elle n'a pas tout de suite été connue tout de suite. Il y a des morceaux qui ont été connus 10 ans après ou 15 ans après. Et pourquoi ça? En fait, c'est parce que les grands producteurs jamaïcains sont partis en Angleterre et ont vendu des licences. Ouais, c'est ça. À des gros labels. Comme Trojan et d'autres labels. Et donc, quand ces labels-là ont commencé à produire sérieusement et à mettre cette musique dans les bacs pour n'importe qui, pas dans des magasins spécialisés, mais on s'est retrouvé à la Fnac et au Virgin avec des albums donc de Gladiators, de Burning Spear, etc. Et ben en fait là les vraies ventes de disques ont commencé pour ces artistes-là, mais de toute façon l'affaire avait déjà été faite puisque les producteurs avaient vendu des licences à ces grosses boîtes de production. Donc bon, l'artiste à l'époque, lui, il avait été payé avec deux poules, $10 et un peu d'herbe. Et à manger. Ouais. Et à manger. Et puis, des années après, il se retrouve à être joué sur les ondes anglaises. Bon, évidemment, il y a des artistes quand même qui ont réussi a enregistré sur des labels comme Island, comme Bob Marley, comme Burning Spear, comme Jimmy Cliff, ouais. Jaman, et qui ont pu faire des tournées internationales et vivre de leur musique. Mais ces artistes-là, c'est vraiment l'arbre qui cache la forêt. Quoi. Quand on va au rayon reggae, au Virgin ou à la Fnac, il y a 20 ou 30 articles à tout casser, alors qu'il y en a des milliers et des milliers. Ouais. Et donc, ils nous ont donné vraiment ce qu'ils voulaient, en fait, nous donner. Alors, contrairement à d'autres musiques, dans le jazz ou dans le rock ou dans plein d'autres musiques, tous les artistes étaient accessibles. Les gens qui ont enregistré sur Blue Note, c'était pressé à des millions d'exemplaires, c'était distribué partout. Les gens qui ont enregistré du rock, c'est pareil. Bon, la musique africaine, c'est quand même un peu plus dur à trouver. Mais particulièrement pour le reggae, c'était une musique, comme ça, le nom l'indique, qu'il fallait diguer. Ouais. C'est pas une musique qui était accessible au tout venant, quoi. C'était quelque chose qu'il fallait aller à la recherche et il fallait aller se l'approprier, quoi. Donc je vais vous passer un morceau de Don Carlos qui s'appelle I Love Ja. Ce que tu es allé diguer, justement. Voilà, c'est un 12-inch disco mix. Donc, c'est qu'on appelle ça disco mix en reggae, en fait. Ouais. C'est quand le dub s'enchaîne après le vocal. Donc en reggae, on a ce concept de ce qu'on appelle le dub, c'est-à-dire la musique sans la voix. Ou en fait, c'est les effets sur son propre son, puisqu'il bidouillait lui-même, et a commencé à jouer justement avec cet instrumental, et à sortir le concept de dub. Et voilà, après, lui, bien sûr, avec toute son intelligence et ses petits doigts, Ça fait trop penser au concept de break dans le hip-hop, quoi. C'est un peu le même délire. Quand il n'y avait pas de paroles, ils enchaînaient les disques, du coup, les breaks, et après, c'est par-dessus qu'ils sont mis à rapper. Ça fait un peu penser à... Il y a vraiment un gros parallèle entre la musique reggae. Et donc, ouais, dans les 45 tours jamaïcains, c'est pareil. Il y a toujours le vocal d'un côté, et derrière, soit le dub, soit la version. Ouais. La version, c'est-à-dire, c'est la musique telle quelle, brute sur laquelle le chanteur a chanté. Et là, le dub, c'est quand on rajoute des effets sur les instruments. Yes. Et donc là, c'est un vocal enchaîné d'un dub. Pull up moi ça. Vas-y. Thanks and praises to Jah every day. I'll give thanks and praises to Him in every way. Cause He give me the moon and the star, the sun, the rainy day, even the birds that sing with sweet refrain. Yes, I love Jah, Jah. Yes, I love Him. I love Him. He make our time so formal and rough time disappear. He even put me sitting on an iron tree. That's why I love Jah. Yes, I love Him. Yes, I love Jah. Yes, I love Him. I'll give thanks and praises to Jah every day. I'll give thanks and praises to Him in every way. Cause He give me the moon and the star, the sun of any day, even the birds that sing with sweet refrain. Yes, I love Jah, Jah. Yes, I love Him. Yes, I love Jah, Jah. Yes, I love Him. I love. Donc là, je viens vous faire découvrir un artiste qui s'appelle Freddie Mackey, qui est un artiste qui a malheureusement pas eu le succès qu'il aurait mérité. Et qui a une voix très très particulière, que j'affectionne beaucoup. Et c'est un morceau qui s'appelle Traveling, sur un album qui s'appelle Arch Words. Galette, que c'est un plaisir quoi, que tu t'es fait aussi. Parce que c'est très rare à trouver cet album. Ouais, c'est un album que j'ai cherché pendant longtemps, et j'ai récemment. Voilà. Et c'est vrai que, comme tu disais, dans la musique reggae, il y a quelque chose où il y a beaucoup d'artistes, il faut diguer pour les connaître et aller chercher. Et justement, aujourd'hui, on peut les retrouver, on en parlait là, à travers des rééditions. Oui, voilà. De label aussi. Il y a Macasson qui a été précurseur un peu. Voilà, Macasson. Maintenant, il y a Iroko, il y a Only Roots. Il y a donc de nombreux labels français maintenant qui rééditent du reggae. Ouais. Et on va dire que dans les sorties en reggae à l'heure actuelle, on va dire même que 70% des choses qui sortent, c'est des rééditions. C'est des rééditions. Voilà, de Et vieux. 30%, c'est des nouveautés. De vieilles perles perdues. Quand ont été éditées. Voilà, quand les gens voient que ça part à des centaines d'euros sur eBay, ben, ils disent bon, ben, on va represser ça. Voilà, comme ça, on va se faire un peu d'argent. Et donc maintenant, évidemment, ils essayent quand même de donner de l'argent du coup, aux artistes, aux producteurs. Parce que comment ça se passe quand on veut rééditer un album comme ça? Par exemple, là, on a l'album. Et donc, la personne qui veut represser, donc, elle contacte s'il est encore vivant, parce que ce n'est pas toujours le cas, c'est pas toujours. Le producteur de l'album. S'il ne trouve pas le producteur, il va essayer de trouver un membre de sa famille. Mais en général, ça passe par le producteur. Et donc, il va y avoir un deal sur un certain nombre d'exemplaires entre la personne qui represse et le producteur. Et donc, normalement, sur cet argent, c'est au producteur de reverser une somme au chanteur. Voilà. Donc, on espère toujours que le producteur reverse au chanteur. Hein. C'est pas toujours le cas. C'est honnête, quoi. Après, je sais qu'il y a certaines personnes qui font des represses qui contactent directement le chanteur. Mais normalement, c'est pas comme ça qu'on fait. Okay, parce que le chanteur, voilà, on passe par le producteur. Mais il faut être sûr que le producteur va reverser des sous au chanteur, quoi. Ou sinon, on fait un deal avec le producteur pour qu'il y ait une somme pour le chanteur, une somme pour le producteur. Okay. Voilà. Mais bon, comme je le disais tout à l'heure, ou je sais pas si on l'a dit avant ou après la le micro, un disque, c'est pas pressé à des millions et des millions d'exemplaires. Hein. Ouais, c'est ça, une bonne presse. À l'époque disais, des Glorieuses de la Jamaïque, ça pouvait être 3-4 000 exemplaires. Maintenant, un disque, il est pressé entre 500 et 1000 exemplaires. Donc imaginez le nombre de personnes qui écoutent du reggae vinyle. 500 et 1000 exemplaires, il n'y a pas beaucoup d'exemplaires pour tout le monde. Hein. Donc il y a des disques qui sortent et au bout de 3 mois ou 4 mois, ils sont déjà recherchés. Quoi. Et le prix monte. Évidemment, tout de suite. Ouais. Ah, c'est pour ça qu'il y a une telle folie autour des 45 tours, des vinyles. Ouais. Bah, c'est pour ça que si des fois tu ne l'achètes pas dans le mois de sa sortie, eh ben, il va falloir que tu mettes beaucoup plus d'argent pour l'avoir. Tu es déjà en retard. Quoi. Voilà, c'est ça. Et c'est combien un 45 tours comme ça, un vinyle ? Alors, un 45 tours, maintenant, c'est entre 6 et 7 euros. Et avant, c'était plutôt 4 euros ou 3 euros. Avant, voilà. C'est quand ? Avant, on va dire jusqu'en 2005, les vinyles jamaïcains, c'était 3 euros. Les vinyles anglais, c'était 4 euros. Et maintenant, avec les represses et les nouveautés, surtout la montée du prix des matériaux, le plastique, le pétrole et tout ça, et ben, les 45 sont à 6-7 euros, voire à 10 euros des fois. Et les maxi, ça va de 8 à 15 euros. Et toi, justement, qui as la possibilité de collectionner des vinyles et de les jouer aussi à travers ton sound system, est-ce que tu trouves qu'il y a que la flamme est toujours là? Il y a toujours un public, il y a toujours du monde pour acheter les vinyles. Comme on disait, ça coûte de plus en plus cher. Bon, ça, c'est ouvert aussi le marché du vinyle. Non seulement je pense qu'elle est toujours là et qu'elle sera toujours là, mais en plus, je pourrais dire qu'en ce moment, il y a un réel comeback au vinyle. Il y a de plus en plus de gens qui veulent racheter des platines. Virgin et Fnac rééditent plein de vinyles des grands classiques de la pop, du rock, etc. Donc il y a vraiment c'est revenu au goût du jour et non, le vinyle ne mourra jamais parce que c'est un support qui est unique et qui a un son unique et donc il sera toujours là. Voilà, le CD vient tout juste d'être enterré. La cassette a été enterrée, le vinyle est toujours là. En Afrique, la cassette n'a pas été enterrée. Ouais. Mais elle existe toujours. Sûrement, ouais. Et on arrive donc sur la fin de ce dig-in chez toi, Arnaud. Merci beaucoup. C'est un excellent moment. On te laisse le mot de la fin. Eh ben, le mot de la fin, je pense que ce qui me ferait plaisir, c'est que vous venez découvrir l'univers de Salomon Heritage en son système avec les vibrations de la sono et des enceintes. Et venir prendre le message aussi, parce que le reggae, c'est pas qu'une musique, il y a un message et une spiritualité, une manière de vivre qui est autour. Donc j'invite tout le monde à venir le 15 novembre à la Montpellier Dub Splash, à la nouvelle salle qui s'appelle le Dièse, près de le rond-point près du Pré d'Arène. Donc c'est le 15 novembre. Et voilà, c'est toute la nuit, trois sonos artisanales, Jah Militant, Chalwa Meditation et Salomon Heritage. Voilà, je vous dis au 15. C'était J'irai diguer chez vous en compagnie d'Arnaud, fondateur du sound system Salomon Heritage. Ce fut un plaisir, c'était une émission animée par Maxime Echen et moi-même, Marvin Basileux. Au montage, Pierre-Jean, on a bien rigolé pour le faire. C'était le deuxième volet et on remercie Arnaud, ses colocataires, de nous avoir reçus pour aller découvrir, fouiller sa collection énorme de vinyles. Et nous, on se retrouve pour un prochain digage dans les antres de Montpellier à la recherche de ces collectionneurs qui font vivre la musique, ces mélomanes. Et ça sera toujours un plaisir de vous retranscrire ces interviews. À bientôt, les auditeurs.